Ah, ben Sophia, elle est partie, elle est revenue. Est-ce que tu sais, Sharon, en Russie, ils ont une chanson. Je suis en train de faire de la musique. Et en plus, il y a des, il y a, avec deux, il y a deux jeunes femmes en plus. Dis-leur bonjour, dis-leur bonjour. C'est le bonjour de mon frère. Thank you.